quelqu'un au standard. Allô, allô, pour m'aimer dardard. Je recherche l'amour de ma vie au téléphone, chérie. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, allô, je suis jeune et j'en ai marre. Y a-t-il quelqu'un au bout de la ligne qui veuille m'offrir ses mimines et sa mine? Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au standard qui est ému rien qu'au son de ma guitare? Kelly, Anaïs ou même Margot, y a-t-il quelqu'un d'aussi bonne qu'Isabelle Mergot? Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au standard?